Laurent et moi, nous n'avons rien à manger. Oh, ne vous emmerdez pas. Oh, monsieur, vous êtes méchant. Vous en avez à profusion et vous refusez de faire l'aumône de toutes ces petites bon Dieu. C'est héritier, c'est pour qu'à trouver, nous toutes c'est héritier.